lay bon alo won nak ben sacc muy dugg guddi ci ben keur difa sacc legi ci entrée bi nonu dañ fa wéron ben cour bay fall yoy cour bu ngand sacc bi dugg quand même di dugg nek par nek di sacc legi pendant ce temps borom keur gi dafa yewon dem di sawji mu yewo rek gis cour bi ne cheutetet xolal xalé yi rek jaaxal nañ ma quoi xolal fiñu baye cour bi rek mu jël cour bi dem duggal ko ci biir wañ bi rangé légui nak sacc bi paré dem bay génn xol gisatul cour rofé mu tit nak né hé cour rof bi fi nékkon anam commencé hé yow mi la xatu génn la wax may sacc rek ngeen bëgg toj sama bop bi génn bu len toj sama bop gennal yow lay waxal way li ma saccom ñepp ngi ni tek na lepp tek commencé yoxu di joy ay way bu len toj sama bop way ayoy way wallo la wa kër gi yéwo nak